Dehors, le message à l'intime du message, à la coupe, gouffre, liquide, lâchant des durées, dehors le signal. La matrice qui, comme elle, a tout, n'a pas tout en dehors de la clarté. Des lignes messagères ruissellent de coupe à coupe, ayant l'aval, avalant l'alarme intime dehors, dehors l'empire des doigts sur les lignes virtuelles qui appellent au dehors la matrice aller allant vers les doigts de lumière, dehors de messages mouillés. Alors, alors les lignes ont la coupe translucide. Elle est là, partout, et l'absence virtuelle, elle virtualise l'incantation digitale. À un point de la ligne, les doigts trouvent la face du message. Des doigts au visage, au droit des doigts du message virtuel. Droit dehors du visage, retournant au message des doigts. Dehors, la matrice glyphe, glisse les doigts en quête des doigts au soi, gouffre de la lave digitalisée natale. Elle signale les doigts dehors, les doigts souverains souvenirs, programmés par la virtualité du message sage myris de la matrice dehors du dehors, que le signal aspire au roi doigt. La face n'a pas d'emprise virtuelle, n'a pas d'empire. Son message gicle, la clarté bien sûr dehors assurée sur ses verticalités, qu'elle inonde en sachant l'œil qui part en présent fixé, le temps profane, la rejette positivement, expulsant le long de la ligne de fuite la statique qu'il retient. Dehors la forme identique en sachant, en la cesse, en l'impuissance, pareillement. À la dictée de l'amour, l'œil invoque les formes du message. Le message n'a pas pour finalité de se liquéfier en forme éclatante. Les doigts croient qu'elle ne serait plus docile ni liquide sous l'empire du mouvement menteur éclairé du temps profane arraché soudainement durant la face enceinte de l'œil virtuel, germe de matière dehors. Dehors encore ce gouffre se coupe à la coupe d'une feuille de vigne, rêve d'une coupe que le vent déteigne d'un murmure de mimique retenue. Au dehors de la forme du raisin, son pont-levis de salive boite un certain message par-dessus la forteresse cacheresse, car les faces s'égarent loin de leur ligne familière. Et la face s'efface, s'étouffe au sein de son message matrice alarmée, pendant les torsions, les positions, que les doigts façonnent de façon lumineuse, juteuse, crissant, cessant, certifiant l'extase nitescente, indécente, à l'alors cryptage digital, rythmé, dehors, puisque dedans, en présence sacrée, dedans, dehors, le message intemporel soupire la matière du gouffre alarmé de ces lignes exotiques, rixes, mixtes, pitiques. Elle n'a pas l'empire formel matériel, cette langue ignorante d'elle-même, mais pas d'elle, qui sous la dictée ductile accuse les coups du message des doigts. Tout ceci sera après eux, et elle était avant eux. Le message est une mélodie omnisciente et inversement. Pareillement, les doigts en massage de message sur la faille sonore si liquide, position virtuelle de la matrice de la musique à l'âme linguale, exécutrice de matière encore en chlore au sein du message, la magie digitale de notre somme. Elle est notre somme. Et à son message polymorphe, la coupe à la langue. La langue qui nous somme de ses doigts virtuels. Elle est notre somme. Mon amour et son doigt qui pointe la langue de flamme. Le message qui nous somme polymorphe. Et pourtant, sous la dictée de la mort, nous sommes un.